Ok. Une famille reine. Big Marvel. T-A-T-A-N. J-I-P-2-Z. Écoute ça. Écoute ça. 2013. La plume en or. J'ai pris la plume là où ça j'lingue. Je vise la lune, rien à foutre que la vie me flingue. Cœur de pierre, même si des fois je me plains. Bah les couilles, j'ai B2Z, j'ai deux ailes en quatre tremplins. La plume ne ment pas, va dire au rage que je m'en bats. Je continuerai quoi qu'il se passe à éclater des questions de basse, mec. Avec un wash, planer dans l'espace, tous les jours la même rengaine. Comprends-moi pourquoi j'ai tant de haine. 2 kilos de mélancolie à revendre, ça colle à la peau, c'est que l'histoire est cohérente. Flagrant et délire, comme s'il fallait payer la peine. À croire que la vie est faite que de stress et de haine. Évidemment que j'aurai ma peine, une nature finie noyée dans la scène. À se noyer dans la merde, ou droit dans le mur. Comme la reine, on est plein de narcènes. Comme une pièce de théâtre, ou à la place, ils nous mettent des moutons sur la scène. On a la hauteur pour les conneries, on n'est ni spectateur ni acteur. On est juste auteur de notre propre vie, juste auteur de notre pauvre vie. Trop de fleurs ont fané, il est temps de se réveiller. Quand t'as une vie de famille, trop de fleurs ont fané, il est temps de se réveiller. T'as une vie de famille. On rêve toute une famille. Pourtant je suis fauteur de toi, je ne vois que la famine. Il est temps de se réveiller. Ne dis pas tes peines à autrui. L'épervier de vautour qui s'abat sur le blessé que j'ai mis. Quand je vois ce monde de fou, j'ai l'impression de faire des rêves éveillés. La dépression frappe au hasard. C'est une maladie, pas un état d'âme hein. Entre cauchemar et réalité, y'a aucune différence en vérité. Impossible de faire le bien, même sur TF1. Regardez bien, ce monde est malsain. Chaque jour le chétan nous tend la main. Comme sur un circuit défunt. V'là le malin, toujours plus haut, toujours plus vite. Dans les deux tours, t'inquiète, on a vu le cockpit orchestré par eux-mêmes, les meurtres et j'en passe. Sinon y'aurait trop de pages, JP2Z à la rage. T'inquiète, même perdu dans le désert, mec, j'entrerai à la nage. La route des enfers est facile à prendre, on y va les yeux fermés. Mais le route du bonheur, impossible de dire ce qui se passe, elle est toujours barrée. Trop de fleurs ont fané, il est temps de se réveiller. Quand t'as une vie, famille. Trop de fleurs ont fané, il est temps de se réveiller. Quand t'as une vie de famille, trop de fleurs ont fané, il est temps de se réveiller. Quand t'as une vie de famille.